Comme pour les piétons ou les motocyclistes, le dépassement des cyclistes est soumis à certaines règles. Parce que ce sont des usagers particulièrement vulnérables. Au moindre accrochage, les conséquences peuvent être très graves. Pour les croiser ou les dépasser, hors agglomération, il faut laisser un intervalle d'au moins 1,50 m. Cela veut dire qu'il faut s'en écarter franchement, donc ne surtout pas les frôler. Réponse B.